Au terme des étapes de sa chevauchée, Du Guesclin arriva à la cité de Paris, où il trouva le roi et grande foison de seigneurs de son conseil, qui l'accueillirent avec liesse et lui firent tous grande révérence. Alors le roi lui dit et lui apprit en personne comment on l'avait choisi et désigné pour être connétable de France. Sur ce, messire Bertrand se récusa très vivement et très modestement, disant qu'il n'en était point digne, qu'il n'était qu'un pauvre chevalier, un petit bachelier, au regard des grands seigneurs et vaillants hommes de France, encore que le sort l'eût un peu élevé. Alors le roi lui dit qu'il se récusait en vain, et qu'il fallait qu'il fût connétable, car ainsi en avait ordonné et décidé à l'unanimité le Conseil de France, dont il ne voulait pas heurter la volonté.